Les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. À son extrémité nord-ouest, la mer Égée s'enfonce profondément dans la péninsule balkanique. Là se trouve le port grec de Salonique, où les touristes visitent aujourd'hui les ruines de l'ancienne cité de Thessalonique. L'apôtre s'y est arrêté lors de son deuxième voyage missionnaire. Nous lisons Actes 17:1 à 4. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. De nombreux Thessaloniciens accueille donc avec empressement le message de Paul. Mais immédiatement, ils doivent faire face à l'opposition. Jason, qui a reçu les apôtres, est traîné devant les magistrats, et Paul quitte précipitamment la ville sur le conseil des croyants. Mais il laisse derrière lui une église solidement fondée qui deviendra pour lui un constant sujet de joie. Plusieurs mois s'écoulent. Les deux compagnons de voyage de Paul, Silas et Timothée, le rejoignent alors à Corinthe, Actes 18:5, lui apportant d'encourageantes nouvelles de l'église naissante à Thessalonique. L'apôtre en est grandement réjoui, ce qui ressort à diverses reprises dans la lettre qu'il écrit alors à ses jeunes convertis. Cette lettre est la première épître que Paul rédige, et sur le plan chronologique, fort probablement l'un des premiers écrits du Nouveau Testament. Elle est suivie, quelques mois plus tard, d'un second message, également écrit de Corinthe, ce qui nous conduit, dans ce survol des livres de la Bible, à considérer les deux épîtres ensemble. Une note de victoire et d'espérance prophétique pénètre ces huit chapitres. Nous allons essayer de le découvrir ensemble. Premier épître, chapitre 1. L'apôtre rend grâce à Dieu parce que les croyants de Thessalonique sont devenus un modèle pour les croyants des autres provinces de la Grèce. Versets 9 et 10. Car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Ce thème est repris au chapitre 2, versets 11 et 12, où Paul exhorte les croyants à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est ainsi que les exhortations de l'apôtre convergent vers la glorieuse perspective de l'avènement de Christ, ce qui réapparaît au chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Au chapitre 4, les instructions de l'apôtre portent sur la marche chrétienne, la sanctification, l'amour fraternel, le travail honnête. Mais quel est l'aboutissement de toutes ces choses? Les croyants regardent à Christ qui, lorsque la trompette retentira, reviendra pour la délivrance de ses rachetés. C'est l'un des passages les plus transcendants de ces deux épîtres aux Thessaloniciens. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Ce passage projette sur l'avenir de l'Église universelle de Jésus-Christ, un faisceau lumineux dont l'éclat peut pénétrer aujourd'hui dans de sombres cachots où gémissent des enfants de Dieu emprisonnés pour leur foi, dans des camps de concentration ou dans des asiles psychiatriques où des chrétiens subissent d'ignobles tortures. D'innombrables croyants cloué sur un lit de souffrance depuis des années, ou plongé dans la douleur morale et dans le deuil, ont pour seul espoir la perspective glorieuse de l'enlèvement de l'Église. Car l'espérance des rachetés n'est pas un vain mot. Ceux qui professent appartenir au christianisme ne feront hélas pas tous partie du cortège céleste enlevé à la rencontre du Seigneur. Seuls ceux qui sont sauvés par le sang expiatoire de Christ et scellés de son Saint-Esprit, en un mot, seuls ceux qui sont nés de nouveau, recevront alors un corps céleste. D'abord, la multitude des rachetés des âges passés ressusciteront. Leurs âmes, qui attendaient auprès du Seigneur, recevront à cet instant-là leur corps de résurrection. Quant aux vivants, ils seront instantanément transformés pour partir à la rencontre de leur chef et maître. Quelle extraordinaire démonstration de puissance et de victoire du ciel sur l'enfer! L'enlèvement de l'Église sera la plus probante des prédications, car les places vides laissées par les sauvés attesteront aux habitants de notre planète demeurés ici-bas à la fois le bien fondé de l'espérance chrétienne et l'imminence du jugement divin sur les incrédules. Faites-vous partie de l'Église universelle de Jésus-Christ qui sera enlevée à sa rencontre? Serez-vous du nombre de ceux qui, dès lors, vivront toujours avec le Seigneur? Ou bien, faites-vous encore partie de la foule des gens qui, tout en étant bien disposés à l'égard de Dieu, ont remis à plus tard la décision la plus importante de leur vie? Une petite fille passait devant l'église de son village à l'heure de midi. L'horloge, déréglée, sonna plus de 12 coups. Bouleversée, la fillette courut à la maison et s'écria, encore tout essoufflée, « Maman, il est plus tard que jamais !» Ce mot d'enfant exprime une profonde vérité. Jamais le monde n'a été exposé à de si graves périls. Jamais les menaces du jugement universel n'ont été si précises. Oui, il est plus tard que jamais. Ne remettez donc pas à demain la décision que vous pouvez prendre en cet instant. Mettez-vous en règle avec Dieu. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. N'attendez pas, il est plus tard que jamais. Reprenons maintenant le fil de notre analyse. Après 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, Paul y dénonce la coupable indifférence d'un monde plongé dans une paix illusoire. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. En contraste, il ajoute, s'adressant cette fois aux enfants de Dieu, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » 1 Thessaloniciens 5, 3 à 5. Et cette première épître se termine sur l'exhortation suivante. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Cette première épître de Paul a vivement encouragé les Thessaloniciens. Ils se préparaient donc au glorieux retour de Christ sur la terre. Mais certains d'entre eux dépassèrent la pensée de l'apôtre en prétendant que ce retour était déjà arrivé. Aussi Paul a-t-il adressé aux chrétiens de Thessalonique une deuxième lettre. À nouveau, il traite du retour de Christ, mais dans un cadre élargi cette fois. Il faut que les chrétiens comprennent que l'enlèvement de l'Église sera le prélude d'événements bouleversants pour l'humanité entière. Après cet enlèvement, l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, imposera sa dictature universelle. Ensuite, Jésus-Christ reviendra avec les siens, terrassera l'Antéchrist par le souffle de sa bouche, chapitre 2, verset 8, et établira son règne ici-bas. L'enseignement prophétique de la deuxième épître est donc complémentaire à celui de la première. À titre d'exemple, au chapitre 1er, verset 7 à 8, Paul parle du Seigneur Jésus qui « apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu » pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au chapitre 2, Il précise que l'Antéchrist séduira les hommes par le mensonge et les faux miracles. L'imposteur s'arrogera les droits appartenant à Christ. Il imposera sa contrefaçon diabolique du règne messianique. L'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Or, aujourd'hui déjà, l'Antéchrist prépare sa venue. Car, comme le dit le verset 7 de ce chapitre, le mystère de l'iniquité agit déjà. Puis l'apôtre rappelle aux Thessaloniciens leur vocation. Dieu vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. 2 Thessaloniciens 2, 14 à 15. Et plus loin, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Si l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans notre monde corrompu, Dieu est fidèle. Il veut préserver les croyants du malin, c'est-à-dire les protéger des attaques du diable. Et un jour, bientôt, il les accueillera dans sa gloire. Chrétiens, ne vous laissez pas attirer par une vie facile loin de Christ, ni ébranler dans votre foi. Discernez les esprits séducteurs et les ruses du diable. Conservez une confiance intacte dans le message intégral de la Bible. Le Seigneur Jésus a besoin de vies entièrement données, de combattants prêts à affronter l'opposition, de témoins consacrés 100% à sa cause. Il est plus tard que jamais. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 1, 2 et 6. Oui, le jour du Seigneur est proche. Serez-vous prêts ?